ressurgit du fond de mon cœur. Alors que je croyais que tout était perdu. Mais dans l'adversité, dans ces épreuves qui nous malmènent, dans ces moments difficiles qui font que la vie a du piment, grâce à l'espoir que Dieu l'a mis en nous et en l'Amérique, oui, c'est face aux difficultés que nous pourrons enfin révéler notre vraie valeur. Le courage, le don de soi, ces choses auxquelles plus personne ne croit. Aujourd'hui, c'est à ces choses qu'il faut se rattacher. Oui, soldats, ils sont plus nombreux que nous. Oui, ils sont mieux équipés, mieux entraînés. Mais il leur manque quelque chose, une toute petite chose, enfouie au plus profond de chacun d'entre vous. Cette flamme qui brûle dans vos cœurs, la fierté d'être un citoyen américain, ça, ils ne l'ont pas. Et personne ne pourra nous le retirer. Alors aujourd'hui, le 4 juillet de l'an de grâce 2008, nous allons sûrement mourir. Nous perdrons certainement cette bataille, mais nous nous serons battus.